Ne cherchez plus, c'est 489 du 31 mars 2021. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, on est ensemble jusqu'à 22h01. Et l'album de la semaine, c'est McCartney 3. J'avais envie de nous en remettre un petit coup, puisque les temps sont difficiles. Autant écouter du Paul McCartney. On écoutera donc Lavalotte, oui, pourquoi pas. Lavatory Lil. Il y aura également Find My Way, Seize the Day, Pretty Boys, Sliding et Deep Down. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera I'm Losing You, la version Ultimate Mix. Donc, vous avez avoir l'impression que le disque a été enregistré hier. Peut-être avant-hier, mais pas plus. Pour George Harrison, ce sera All Things Must Pass. Et également dans une édition qu'on attend impatiemment en 2021, le remix de All Things Must Pass, l'album, sans les effets spéciaux, enfin sans l'effet de production de Phil Spector. Donc ça donne quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, comme je le dis à chaque fois, Let It Be, par exemple, c'est l'album historique, je l'aime. Let It Be Naked, c'est l'album qu'aurait voulu McCartney et qu'ont accepté les intermédiaires, à savoir Olivia et Yoko Ono, et aussi Ringo Starr, qui, de toute façon, est toujours d'accord. Et c'est bien aussi. Donc, le nouvel album, All Things Must Pass, sans les effets de Phil Spector, ça ne sera plus l'album historique, mais ce sera certainement très bien aussi. Voilà. Pour Ringo Starr, ce sera So Wrong for So Long sur Give Me Some Love en 2017. Ah oui, je vous avais averti sur Facebook qu'on serait pas mal dans les années 2000 pour cette soirée-là. Les Beatles, ce sera Lady Madonna. Ah bah oui, là forcément, ça, on retape dans le passé. Sauf que, à la limite, si on veut, cet extrait du Past Masters sorti en 2009. Vous voyez comment je ruse. Pour le reste, eh bien, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four avec une saga qui commence dans quelques secondes avec un album que McCartney a fait juste parce qu'il s'ennuyait pendant la pandémie et il s'est dit, bon, oh, tiens, les gens gisent comme ça, juste pour moi. Il l'a fait et puis il nous l'a donné à nous et c'est bien, quand même. Lavatory Lil sur RIG. Look out for Lavatory Lil. Look out for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. Saw it coming at you, you could look the other way, but it isn't easy when she rolling in the hay. holler that she's lonely heading over the hill. Life a tree loom. Je suis très satisfait parce que dès la première chanson, vous êtes tous là. Il y a Rook, il y a Stella, il y a Yann, il y a Phil, donc Philippe. Je crois que j'en ai oublié une, Christine aussi, et puis Pascal. Et d'autres vont venir d'ici quelques minutes. Vous mettez toujours 3-4 minutes pour venir quand même. Donc merci à vous et ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez présents à l'antenne de RIG sur 90.7 pour ceux qui habitent dans la région bordelaise. Et pour tout le reste du monde, y compris en France, puisqu'elle fait partie du monde, sur www.rigfm.fr. Love to Lille, je suis capable de le dire. Ah, j'adore celle-là. I'm losing you. John Lennon. J'allais dire Elton John. John Lennon. Here in some stranger's room. face another day. Now the darkness only stays the nighttime. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not version de All Things Must Pass sur RIG, cette version sans les effets spéciaux, les effets de production on va dire, parce que effets spéciaux c'est peut-être exagéré, de Phil Spector, et ça sonne vraiment très très très bien. Ringo Starr comme on l'aime, country et tout ça, So Wrong for So Long sur RIG. When we first met on the rooftop of that hotel, everyone around us could see we got on well. So we took the elevator straight up to the 42nd floor. When we kissed in your doorway, it was like we'd never kissed before. I was in love again, and I knew that you were too. We spent every night together, nothing was taboo. And early in the morning, with the sunlight in your hair, I knew we'd stick together. You were the answer to my prayer. How could I be so wrong for so long? So long. All the time we spent together, so close and true, living for each other to get us through the blue. Two starstruck lovers beneath the Tennessee moon. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Someone else, I never saw the signs. I hope he makes you happy, and that he is happy too. And just like all the others, I'll get over you. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Oh, how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Nous avons écouté Love at Three Lille de Paul McCartney, I'm Losing You de John Lennon, All Things Must Pass, la nouvelle version de George Harrison, et à l'instant, So Wrong for So Long sur l'album Give More Love, j'allais dire Give Me Love. Give More Love, c'est encore pire, c'est encore mieux même d'ailleurs, de 2017 par Ringo Starr. Avant d'écouter les Beatles, il nous faut vous renseigner sur la meilleure façon de tout savoir sur les Beatles. Et comment faire ça? Il suffit d'aller sur le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, c'est la saga. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Lady Madonna. La saga des Fab Four sur RIG. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Child has learned to tie his bootlace. See how they run. Lady Madonna, baby at your breast, wonders how you manage to feed the rest. Allons revenir à l'album de la semaine avec cette chanson Find My Way, un morceau dont la coda a été incluse dans une vidéo de promotion des différentes versions de l'album. Cette coda donne au moins une idée globale du morceau, contrairement aux 30 secondes de Long-Tailed Winterbird que l'on aura pu écouter. Pour faire taire les esprits chagrins qui critiquent sa voix vieillissante, Maca va encore chercher dans les aigus et sans problème. Ce morceau très entraînant aurait pu figurer sur Egypt Station et pourrait devenir un single. Les paroles, I can't find my way, I know my left and right, cause we're never closed, I'm open day and night, etc., etc. La voici cette chanson sur le nouvel album actuel de Paul McCartney. En attendant le prochain. Well, I can find find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Left from right, because we never close. I'm open day and night. Ooh. Oh, oh yeah, oh Shout! get you. Gonna knock off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Get your share, but we all shine on like bien l'ami Philippe sur Facebook. Power to the people. C'était à l'instant John Lennon. Et auparavant, c'était encore John Lennon avec un autre titre. Le titre, c'était Instant Karma, We All Shine On. Toujours extrait de l'album Ultimate Mix. Et c'était, là, c'est la, comment on appelle ça, le Best of Gimme Some Truth, sorti en 2020. Je vous dis qu'on restait dans les années 2000, au moins en essai, en tout cas. Pour la prochaine chanson, ce ne sera pas le cas. Ce sont les Beatles. Mais il y a un petit tour de cochon dedans, savoir que ça n'est pas la version que vous connaissez à un petit détail près. J'avais envie de vous la proposer juste comme ça. Est-ce que vous allez entendre le détail ? Moi, je l'ai entendu. Oh, I'm not going to do that. impossible villain. You kissed the biker of my mistress, stand your foot retire. Is he dead? Sit you down, father. Rest you. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Dans les années 60, vraiment. Et quand on sait avec quoi ils enregistraient par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, maintenant les possibilités sont infinies, alors qu'avant il y avait 4 pistes la plupart du temps, quelquefois 8 quand on s'approche des années 70, mais franchement, ben, chapeau, chapeau, vraiment c'était extraordinaire cette époque-là. Et je suis content quand même de l'écouter maintenant, parce qu'avec les moyens de notre époque, c'est quand même sympa de pouvoir se rester par exemple 2 heures, je dis ça comme ça au hasard, 2 heures en compagnie de John, Paul, Ringo et George, un mercredi comme ça, entre 20h et 22h, sur une radio quelque part en France. C'est sympa, ça pouvait pas se faire dans les années 60. L'album de la semaine, c'est McCartney 3, Seize the Day. J'adore cette chanson aussi. Yankee toes and Eskimos, content, frozen ice. When the cold days come and the old ways fade away, there'll be no more. McCartney en 2020 sur son album McCartney 3 fait tout seul à la maison. On aimerait bien arriver à faire ça. Et Ringo Starr n'est pas en reste. En 2021, il vient de sortir un mini-album, 6 chansons je crois. Et j'aime bien vous proposer des titres de cet album-là parce qu'il est plutôt bien. En voici un, Teach Me a Tango. Je crois qu'elle n'était pas encore passée dans la saga. Teach me to tango, c'est pas pareil. Don't run from a good time in summer, or you fall into winter. Just hitch your ride with your favorite drummer. Pay no mind where we end up. You and I can send postcards from a cabana somewhere in paradise. You gotta live it up until you get what you want, my friend. You gotta live it up until you get what you want. Mama, teach me. Truth, so you don't lose your humor. Oh, you say company's arriving soon, so let's get existing sooner. You and I can send postcards from a cabana somewhere in paradise. You gotta live it up until you get what you want, my friend. You gotta live. river. Canadian geese crab along the bank. Back wheel of my bike begins to quiver. The chain is wrapped around the crank. Oh, ladies, must be doggy training. Walking, throwing balls, chasing our machine. And the farmer stands around and he's complaining. His mad cows are being put to sleep. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. Smoke signals from the brewery. Like someone in the band, the latest pope. In a vat of beer that keeps pumping out with fury. While the church bell ringers tangled in his rope. But there's a temple on an island. I think of all the gods and what they feel. You can only find them in the deepest silence. I gotta get off of this big wheel. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'll be swimming until I can find those waters that the one unbounded ocean uplifts. That's flowing to your parents, sons and daughters. That's still an easy thing for us to miss. Blades go skimming through the water. Hear the coxswain shout as his instructions abound. With this crew, oh, it could be a tall order. Have we time to sort all these things out? Sometimes my life it feels like fiction. Some of the days it's really quite serene. I'm a living proof of life's contradiction. One half's going where the other half's just been. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'm a Pisces fish and the river runs through. La voix fatiguée de George Harrison. L'album est sorti en 2002, donc soit très peu de temps après sa mort. Il avait laissé des instructions à son fils et à Jeff Lynne pour pouvoir terminer cet album. L'album s'appelle Brainwashed, donc sorti en 2002. Et à l'instant, c'était Pisces Fish. On revient en arrière, là on est obligé, en 1970, avec deux Beatles. Attention, on prend le train. Twice. my bed at night. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. You cut my back, run to the station. Railman said, you got the wrong location. Cut the flag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're driving on the one after 909. I move over, honey, I'm traveling on that line. I move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Let's go. Première chanson 910, comme dit Philippe sur Facebook. Donc, One After 909 était extraite de l'album Let It Be en 1970, mais le Get Back que vous venez d'entendre est extrait de l'album Let It Be Naked, sorti en 2003. Et retour à l'album de la semaine maintenant. L'album, c'est McCartney 3, sorti en 2020, avec ce charmant titre, Pretty Boys, sur RIG. Look into my lens, give me all you got. Work it for me, baby, let me take my best shot. Meet the pretty boys, a line of bicycles for hire, objects of desire. Working for the squire, you can look, but you better not touch. Cause here come the pretty boys, they're gonna set your world on fire, objects of desire. Preaching to the choir, they can talk, but they never say much. Strike another pose, try to feel the light. Hey, the camera loves you, don't put up a fight. Il sait le faire en studio. Après, quand il fait des tournées pendant des mois et des mois et des mois, c'est un peu plus dur. Mais quand on est avec Paul McCartney, on lui pardonne tout. Parce que c'est vraiment, vraiment un très grand homme. Et on aime beaucoup ça. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou même une fois les carrières séparées. Donc les carrières solo, si vous préférez. Et même si eux reprenaient les chansons de quelqu'un d'autre, déjà à l'époque, une chanson de Chuck Berry, si vous voulez, ou même George Harrison, qui reprend Baltimore Oriole, par exemple, qui est une chanson de 1930 quelque chose, eh bien, c'est ça la cover. C'est quelqu'un qui reprend une chanson qui a été chantée par les Beatles. Et là, cette fois-ci, c'est tout récent. C'est l'album McCartney 3, Imagine. C'est Paul McCartney lui-même et Dominic Fike qui le chante Kiss of Venus sur RIG. Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know the baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? For you. Inside an education, yeah. Go to college, but find your major. Realize your minor in the scheme of everything. Et ça s'arrête là. Maintenant, voici, vous savez, la partie de fils de ressemblant à, de faisons comme si. Eh bien là, c'est celui qui ressemble le plus à George Harrison du monde, au monde. C'est Danny Harrison, oui, forcément. Je ne vous ai jamais proposé cette chanson pour la bonne raison que je ne la connaissais pas avant de la programmer. J'ai acheté le 45 tours très vite parce que je l'ai trouvé ça sympa. Je l'ai trouvé sympa. Et cet extrait de l'album, enfin, du single sorti en 2019, Motorway Raise It. Voici de Danny Harrison sur RIG. And all those must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. To come, I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make good shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes. Stay indoors when summer's gone. We're gonna fly away and find the sun when winter comes. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around, and the lambs and the chickens won't feel safe until it's done. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when to come and find the sun when winter comes. Votre animateur, c'était la version du clip Winterbird, When Winter Comes et Winter Sun. Ça, c'est en plus. Avec aussi des bruits d'animaux durant la chanson que vous n'avez pas sur l'album. Oh, celle-ci, quelle voix! Stand by me, John Lennon sur RGE, dans la saga des Fab Four. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Thank you. to the sea. Extrait de McCartney 3, sorti en 2020 déjà. C'est marrant, l'année 2020, à la fois, elle a été très très longue, et puis on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'année 2020. Bon, enfin, c'est comme ça. Ringo Starr qui reprend John Lennon. Grow old with me, sur RIG. Cet extrait de What's My Name. Grow old along with me. The best is yet to be. When our time has come, we will be as one. God bless our love. God bless our love. Petit morceau de George Harrison dedans, un petit riff, faut vraiment prêter l'oreille pour l'entendre, mais c'est bien aussi. En 1987, sur l'album Cloud Nine, This Is Love, George Harrison. Change you forever. Il le chantait bien en 1987 sur l'album Cloud 9. Et voici un petit retour en arrière, la version de Anthology Highlights sortie en 2011. Je vous avais dit qu'on restait dans les années 2000, même en truquant un peu, puisque la chanson qu'on va entendre forcément date des années 60. Mais comme elle est sortie en 2011, on peut dire que j'ai pas tort. 8 Days a Week, la version différente. J'adore cette version. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Thank you. encore une version différente de bah, Tomorrow Never Knows que l'on retrouve dans les anthologies Highlights, ou même les anthologies, hein, puisque les Highlights n'étant qu'une sorte de best-of des anthologies. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux chansons précédentes, des grandes créations, évidemment, et les versions différentes, c'est sympa, parce que, quelque part, ce sont des versions de travail, des versions qu'ils ont essayées pour voir ce que ça donnait. Et puis, si on a entendu autre chose dans les disques que l'on connaît, c'est parce qu'ils ont estimé que les dernières versions étaient plus intéressantes encore que celles que l'on vient d'entendre, par exemple. Moi, j'aime les deux. C'est comme ça. Allez, un dernier extrait de l'album de la semaine. L'album, c'est McCartney 3. 3, pas 2, 3. Il y a eu McCartney 1 en 1970, McCartney 2 en 1980. Et en 2020, il s'est dit, bon ben, c'est la pandémie, je suis tout seul, je peux pas faire de tournée. Si je faisais un peu de musique comme ça, pour rigoler. Et quand il rigole, Paul McCartney, il nous fait un album. C'est bien, c'est très bien McCartney. J'espère que tu vas encore continuer à faire des albums. Encore. McCartney 4, par contre, attends pas 2040 ou 2050 ou 2060. Parce que je serais peut-être plus là pour, surtout 2060, ça va être dur. Je serais peut-être plus là pour le passer à la radio. Mais peut-être qu'il y aura la relève, on sait jamais. Allez, on s'en fiche. Voici donc le dernier extrait, Deep Down. I need to talk to you. I wanna talk to you. get deep down, get deep down, get deep down, get deep down. Donc on donne de la laitue et du fromage à Georges et il nous fait Well My Guitar Gently Whips. Une version différente, la prise numéro 27, la troisième version. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky. Righto. Two, three, four. She's not a girl who misses much. Colored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. Soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. Is anybody finding it easier? It seems a little easier. It's just no fun, but it's easier. Merci John, merci Georges. Vous avez compris que c'était des versions travaillées pendant l'album blanc des chansons. Il y a Happiness is a Warm Gun, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et juste avant, While My Guitar Gently Whips. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Parce que j'étais en train de discuter avec Eric à propos de ce qu'a dit notre président, savoir si nous on allait pouvoir continuer nos émissions. Oui. Et a priori, d'après Eric, oui, puisque c'est au moment du confinement, donc il n'y aura pas de problème. On a le droit de venir travailler pour vous. Donc la semaine prochaine, on sera là. Ouf, déjà c'est bien. Donc ça me permet de vous dire que tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, il y aura Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. Mais en attendant, Zoom In, Zoom Out. J'adore cette chanson-là du nouvel album de Ringo Starr. L'album s'appelle Zoom In. They used to think the world was flat, and there'd be dragons off the edge of the map. To Galileo put on his thinking cap, change things forever. It's just a dot for an astronaut. There's a whole universe in one raindrop. For a single bottle of soda pop, we're all in this together. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. When your journey seems an endless one, and fear is hard to overcome, you get it done. One day you'll be laughing. A wealthy man from way up high, a homeless child with the cardboard sky. If we could only see through each other's eyes, imagine what could happen. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. Shift your paradigm. Seek and you will find the end of your nose is infinity. It's all right, riding around in the breeze. for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a damn thing. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is Judgment Day. Maybe somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right, you still got something to say. Well, it's all right, remember to live. Comme les trains, on finit toujours à l'heure. À très très bientôt et merci à tout le monde. On rigole, mais vous savez pas pourquoi, parce qu'au montage ce sera coupé. Donc voilà. Allez, à très très bientôt. Eric dans quelques instants avec son merveilleux, sa merveilleuse émission Johnny de A à Z. Salut, ciao. loud.